Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Yann Duvendac, vous êtes concepteur et metteur en scène d'un spectacle qui sera prochainement présenté à la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, au nord-ouest de Paris, au mois de mars prochain, pour une série de représentations. À la création de ce spectacle en 2008, ce spectacle avait un autre titre, Made in Paradise, et vous avez changé de titre, pourquoi ? En fait, Made in Paradise, on l'avait fait à la suite du 11 septembre 2001, et toute la pièce était un peu basée sur le paradigme lié à ce conflit-là, si on peut dire, ou cette problématique-là, et en fait, en 2014, on avait l'impression que ce paradigme était en train de changer, avec le début de l'arrivée de réfugiés, et donc on a changé le titre de la pièce, et aussi passablement son contenu. Le point de départ de la création, une date qui reste figée, je pense, dans la mémoire de beaucoup d'entre nous, le 11 septembre 2001. En effet, en fait, Omar et moi, c'est une pièce co-signée avec un artiste égyptien que j'ai rencontré, en fait, vraiment par hasard, dans le cadre d'une résidence que j'avais faite au Caire, pour un projet complètement différent, qui est devenu Still in Paradise, c'était pas du tout l'idée de départ. Et quand on a commencé à travailler ensemble, on a commencé vraiment par là, en se racontant nos expériences respectives du 11 septembre 2001. Lui en Égypte et moi à Barcelone, j'habitais là-bas à l'époque. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a commencé, parce qu'effectivement, voilà, c'est le moment où l'Occident rencontre le Proche-Orient d'une manière très violente et où l'autre fait vraiment irruption dans nos vies. Deuxième étape, c'est effectivement la saison suivante, celle des printemps arabes, qui a été pour beaucoup d'abord sur place dans les pays concernés. Le premier d'entre eux, je pense, c'était la Tunisie et d'autres pays qui ont suivi. Ça a été ensuite une véritable désillusion, tant là-bas que pour le reste du monde. Oui, tout à fait. D'ailleurs, maintenant, on parle plutôt d'hiver arabe. Et effectivement, c'est devenu très compliqué. Et la situation pour beaucoup s'est empirée. D'ailleurs, Omar, lui, on parle aussi des printemps arabes dans le projet. Lui, il était toujours contre, en fait, la destitution du président Moubarak. Parce que lui, il disait, on peut pas, nous, les Égyptiens, on n'est pas prêts à vivre en démocratie. Il faut le faire. Il faut former, en fait, les gens sous Moubarak. On peut pas juste sauter dans la démocratie comme ça, pieds joints. On doit s'y former parce qu'on a l'habitude de vivre sous la dictature depuis les pharaons. On traite aussi vraiment de cette problématique là. En fait, la pièce qu'elle fait, c'est qu'elle aborde tous les problèmes que nous avons eus, lui et moi, dans la collaboration, mais aussi dans les différences politiques qu'on peut avoir, comment on peut manger ensemble, et en fait tous les problèmes qu'on a eus ou qu'on a, on les digère dans la pièce. On en traite directement. Donc il n'y a absolument pas de représentation de. On n'est pas des personnages, on est juste nous-mêmes et on parle de notre rencontre à nous, qui est par là, comme une espèce de petite fenêtre, en toute petite, comme un trou de serrure, pour regarder les conflits mondiaux, quoi. Enfin, cette rencontre beaucoup plus grande entre le Proche-Orient et l'Occident, l'islam, le capitalisme, tout ça. Oui, spectacle qui s'attaque donc à un phénomène social, politique, médiatique, de la haine à la peur de l'autre. Et on peut ajouter, on peut préciser, l'islam aujourd'hui est devenu une source de tous les préjugés et de tous les raccourcis. Le musulman ou l'arabe est devenu le mal absolu. Et pourtant, au fil des années, cette idée-là est assez complexe du fait que nombre d'attentats ont été développés dans nombre de pays, en Orient, au Moyen-Orient en particulier. Oui, c'est ça. Les musulmans eux-mêmes souffrent beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus des méfaits des islamistes. On dit souvent que c'est les premières victimes, d'ailleurs. C'est ça. Mais c'est vraiment le cas. C'est pour le coup vraiment le cas. Et Omar, en fait, lui, il dit tout le temps qu'effectivement, il est, même si maintenant donc, il habite en Suisse, il est marié en Suisse, avec donc une Suissesse, il voit qu'en fait le racisme, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'il est là, je crois. Le racisme a grandi en fait envers lui depuis l'arrivée des réfugiés et donc tout ce que ça implique, c'est devenu beaucoup plus tendu. Alors tout ça dans un pêle-mêle nauséabond qui fait que ça dérape. Je disais il y a un instant le musulman, l'arabe, mais c'est aussi plus près de nous aussi les migrants, les réfugiés. Et au-delà de tout ça, c'est la religion elle-même qui est dépeinte comme une religion de la haine, haine de l'autre, haine de l'Occident et de tous ses symboles. Alors votre spectacle, l'objectif, c'est de réhabiliter cette religion qu'est l'islam ? Non, je dirais pas ça. C'est plutôt de montrer que les généralisations, les clichés, ça ne marche pas en fait. Justement, nous, notre point de départ et visée, si on peut dire, c'est de vraiment dire, ok, simplement si on regarde nous, Omar, Égyptien, et moi, Yann, d'origine hollandaise mais vivant en Suisse depuis longtemps, les deux artistes d'art visuel mais travaillant dans les arts vivants, comment est-ce que nous, on n'est justement pas dans ces clichés, on est ni le Proche-Orient ni l'Occident et pourtant on vient de là. Et donc c'est en essayant d'être le plus subjectif et le plus spécifique possible qu'on peut arriver en fait à essayer de rompre les clichés et passer au-delà de ce qui fait la haine de l'autre. La haine de l'autre, c'est l'ignorance. On commence à détester l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Une fois qu'on connaît quelqu'un, alors on commence à pouvoir l'apprécier parce qu'on voit que c'est un être humain comme nous et qu'il a des besoins profonds comme nous. Il n'y a pas de différence au fond. Mais le musulman... Ça permet même, en fait, parce que donc il y a une partie aussi où on parle vraiment d'arrivée des réfugiés. Omar, aujourd'hui, lui, il est contre le fait qu'on accueille des réfugiés. Il incarne bizarrement une pensée pas du tout bienveillante envers les réfugiés, bien que lui-même arrive de l'Égypte. Le musulman, de manière générale, c'est le bouc émissaire de notre société. Est-ce que c'est l'ennemi commun qui fait qu'on a tendance aussi à oublier nos propres incohérences, voire de les mettre de côté ? Je ne sais pas, mais je pense que c'est probable, oui, qu'effectivement, c'est toujours facile d'avoir un bouc émissaire qui nous détourne de nos propres malfrats ou malfaits, méfaits. Ouais, c'est plus facile de regarder la paille dans l'œil de l'autre que la poutre dans le sien. Alors, le travail de mise en scène, comment cela se réalise ? Je crois que vous partez d'une série de performances participatives. Oui, alors en fait, les gens sont avec nous sur scène, si on veut. Il y a une espèce de grande salle où on accueille les gens et nous présentons une série de scènes que les gens ont à choix. Donc ils peuvent choisir vraiment dans ces scénettes qu'on appelle des fragments. Il y a 11 fragments qu'on présente et ils peuvent en choisir un nombre limité qui font que chaque soir, les gens voient en fait autre chose en fonction de ce qui est choisi. Puis donc effectivement, on fait ce que les gens, ce pourquoi ils ont voté. Donc c'est aussi l'avantage de cette structure, c'est que ces scènes, on peut les changer en fonction des actualités ou tant politique que sur notre propre rencontre, on peut jeter des fragments, en créer des nouveaux. C'est extrêmement souple. Mmh. Et donc c'est participatif dans ce sens-là. Il y a les gens votent à main levée et puis voilà, ils nous suivent par la suite dans le matériel qu'ils ont choisi. C'est le travail qui est mené avec Action, c'est ça ? Alors Action, c'est donc un autre projet, mais qui est en fait intimement lié. Moi, je suis allé travailler comme bénévole dans la jungle de Calais en 2016. Et à la suite de ça, mais vraiment je suis allé comme être humain, pas du tout comme artiste, je voulais vraiment juste aider. Et à la suite de ça, je me suis dit, mais en fait, aider, ça peut se faire n'importe où. Il y a des besoins locaux liés à l'accueil des réfugiés. Et j'avais envie de développer en fait un outil qui permette de donner un aperçu de la complexité de la situation de l'accueil des réfugiés et de permettre aux spectateurs de, par la suite, s'ils en ont envie, de s'engager, de vraiment de mettre la main à la pâte en fait. Parce qu'il y a des besoins concrets qui sont ceux des réfugiés ou des exilés, mais aussi des bénévoles qui travaillent déjà, des associations et même des autorités, parce que les autorités ils font ce qu'ils peuvent et en fait tout le monde est contraint par les lois européennes qui sont ma foi très limitants, enfin ouais, pas très accueillants. Si on en revient effectivement au spectacle qui sera présenté sur la scène du Théâtre 95 à l'affiche de la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, une série de représentations donc les mardis 12, mercredi 13 mars à 20h30, le jeudi 14 mars 19h30 et enfin le vendredi 15 mars à 20h30 également. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux et celles qui viennent d'écouter cette émission, cet échange ensemble et qui resteraient sceptiques à l'idée que ce dont on vient de parler peut faire un moment de théâtre ? Alors qu'ils viennent pour le vérifier. Oui, non, je pense que j'ai l'impression que ce qui compte au fond, c'est de pouvoir partager des expériences communes et que ça, on peut le faire de plein de manières différentes. Qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'appeler ça théâtre. C'est, en fait, je crois que pour moi que la question, elle ne se pose pas comme ça. J'ai l'impression que vraiment ce qui peut nous faire grandir ensemble, c'est de faire des expériences. Et je crois que c'est ce que j'essaie de proposer dans les différents travaux qu'on va montrer là. Sur scène, vous êtes deux ? Non, pour Still in Paradise, nous sommes trois, puisqu'il y a Omar et moi, c'est vrai, mais Omar parle en égyptien, donc en arabe égyptien, le dialectal, et il est traduit directement par un interprète syrien, Georges Daaboul, qui traduit chaque phrase très rapidement. Donc c'est très fluide et ça nous permet d'entendre l'égyptien qui a un dialectal très très beau, très mélodieux et rond comme ça, ça chante beaucoup. Donc c'est très agréable à l'écouter en fait. Le message qu'on doit retenir avec ce spectacle, peut-on parler de message d'ailleurs, pour lutter contre la peur de l'autre, le meilleur moyen c'est de dialoguer, d'aller à la rencontre de l'autre pour apprendre à partager ? Absolument. Merci Yann Duivendak. Merci à vous d'avoir consacré un peu de temps pour la présentation de ce spectacle. Merci. C'était avec plaisir. Merci à vous. Stay in Paradise, donc spectacle à découvrir, je vous le rappelle, les 12-13 mars à 20h30, le jeudi 14 mars à 19h30 et le vendredi 15 mars à 20h30 au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre. Nous avons évoqué également Action qui sera proposée à l'École Nationale Supérieure d'Art de Paris-Cergy, à proximité de votre radio locale au passage, le dimanche 17 mars à 16h, le lundi 18 mars à 20h30, le jeudi 21 mars à 19h30 et le vendredi 22 mars à 18h30.